chose, elle passe en un instant comme fan à les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, et que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Je suis pas de l'air.